Chapitre 11. Pendant que les voitures s'attelaient, les promeneurs s'éparpillèrent un peu de-ci de-là pour jouir à leur aise du coup d'œil offert par la cascade enveloppée des rayons rosés du soleil déclinant. Magali gagna un petit monticule d'où le regard embrassait la nappe d'eau étincelante et l'horizon de mamelons verdoyants et de forêts sombres. Jamais comme aujourd'hui, elle n'avait trouvé ce paysage aussi charmant. Jamais le ciel ne lui avait paru plus pur, ni l'atmosphère plus idéalement douce. Elle eut une légère sensation d'impatience en voyant se diriger vers elle Lady Ophelia. Plusieurs fois cet après-midi, Magali avait rencontré ses yeux bleus, exprimant une colère difficilement contenue. Évidemment, l'orgueilleuse Ophelia ne lui pardonnait pas sa gracieuse royauté d'un jour. Le visage très blanc de la jeune fille était contracté, ses lèvres se serraient violemment. Elle vint se placer près de Magali et, quelques secondes, parut contempler la cascade. Tout à coup, se détournant un peu, elle posa sa main sur le bras de Magali, ses lèvres s'approchèrent de son oreille. « Vous triomphez, petite coquette » murmura-t-elle d'un ton sifflant. « Mais ce n'est qu'un jour. Vous n'atteindrez pas votre but, je vous en réponds. Ce n'est pas lui qui vous donnera jamais la couronne que vous convoitez. » Magali tressaillit violemment. Ses yeux, un peu agrandis par la surprise, se posèrent sur la physionomie crispée de Lady Ophelia. « Quelle couronne ? » balbutia-t-elle. « La plus recherchée de toutes les couronnes ducales du Royaume-Uni, rien que cela, celle que Lord Gérald offrira à sa femme. » Magali, très pâle, eut un mouvement de recul. « À quoi pensez-vous, Milady ? » dit-elle d'une voix frémissante en redressant la tête avec hauteur. « Je n'ai rien fait que je sache pour autoriser de votre part une pareille supposition. » Lady Ophelia eut un éclat de rire sarcastique. « Ne faites pas la naïve, c'est chose inutile avec moi. Si vous avez jugé bon de sortir de l'ombre tout indiqué pour vous, c'est que vous aviez idée de tenter cette difficile conquête, c'est... » « Je vous ferai d'abord remarquer, Milady, que j'ai toujours cédé uniquement aux instances de Lady Isabelle, » interrompit Magali d'un ton ferme en soutenant fièrement le regard irrité qui s'attachait sur elle. « Vous faites d'Isabelle ce que vous voulez. Il vous était facile de feindre de lui obéir, » s'écria ironiquement Lady Ophelia. Mais elle s'interrompit. Les grands yeux noirs de Magali se posaient sur elle, très graves, un peu méprisants, et d'une si absolue limpidité que le regard de Lady Ophelia se détourna gêné. « Je vous prierai, Milady, de cesser ces accusations, » dit-elle d'un ton quelque peu hautain. « Je n'ai jamais eu l'idée follement ambitieuse que vous me prêtez. Mais si votre amour-propre s'émeut, en me voyant aujourd'hui, entourée d'une attention tout à fait disproportionnée avec ma position, je le reconnais, à qui la faute ?» Ophélia se mordit les lèvres. Oui, c'était elle-même qui avait préparé le triomphe de cette Magali détestée. Mais aussi, aurait-elle jamais pensé qu'une simple demoiselle de compagnie serait mise au nombre des candidates ? Cependant, je reconnais que j'ai eu tort de céder aux affectueux désirs d'Isabelle en me mêlant à une société supérieure. Je le déplore en comprenant maintenant quelle interprétation le monde peut donner aux actes les plus simples. Mais rassurez-vous, Milady, je saurai me retirer et revenir à l'obscurité qui me convient en effet. Oui, maintenant que vous pensez avoir produit votre petit effet, dit Lady Ophelia, irritée par l'accent mordant de la jeune fille. « Vous vous dites que le duc de Saldif, touché de votre humilité, s'empressera d'aller vous offrir son nom. »« Milady !» s'écria Magali en se redressant. Une seconde, elles parurent se mesurer du regard. Magali était extrêmement pâle, ses lèvres frémissaient un peu, mais sa voix était ferme en prononçant « « Je ne puis vous dire autre chose, Milady, c'est que jamais je n'ai songé à pareille folie, jamais, jamais » répéta-t-elle avec un geste de protestation. Lady Ophelia eut un léger mouvement d'épaule. Ses doigts très durs se posèrent sur le bras de la jeune fille, faisant presque chanceler celle-ci. « Admettons un instant cette chose impossible que Lord Gérald vous offre de devenir sa femme. Que diriez-vous, Magali ?» Les doigts de Magali se crispèrent un peu sur sa jupe, une sorte d'angoisse traversa son regard. « Je dirai non, naturellement, » dit-elle avec un mouvement de tête altier. « Soyez sans crainte, Milady, j'ai ma fierté aussi, et celle-ci m'interdira toujours un mariage disproportionné. » « Mais à quoi sert de parler de cela ? » fit-elle avec une sorte de colère. « Je connais aussi bien que vous la distance qui me sépare du duc de Saldif, et je regrette seulement que sa bonté, un scrupule de délicatesse peut-être, l'ait porté à paraître l'oublier quelquefois. Il est donc inutile de vous monter l'imagination à propos d'une chimère, Milady. » « Oui, une chimère, vous l'avez dit, mais j'ai voulu charitablement vous prévenir, Magali. » dit Lady Ophelia, qui ne quittait pas du regard cette physionomie très fière, mais légèrement altérée. « Je vous remercie de cette charité si désintéressée, Milady, » répliqua ironiquement Magali. Elle se détourna et se dirigea vers les voitures maintenant attelées. « Comme vous êtes pâle, mon enfant, êtes-vous souffrante ?» demanda le père Noué, qui causait avec Maximilien de Wolberg. « Un peu lasse seulement, mon père, » répondit-elle en essayant de sourire. « Votre printanière royauté n'est cependant pas bien lourde à porter, Miss Dolté, » fit observer M. de Wolberg. Elle eut un geste vague, une sorte de sourire fatigué, et s'éloigna pour répondre à l'appel de Lady Isabelle, debout près de la voiture. Le duc se tenait près des chevaux et paraissait absorbé par un détail du harnachement que rectifiait le cocher. Il ne sembla pas s'apercevoir que Magali s'approchait de la portière. Ce fut Ferdinand de Wolberg qui aida la reine de mai à prendre place dans la voiture. Ce fut lui encore qui anima la conversation pendant le trajet. Son cousin, assis en face de Magali, paraissait beaucoup plus disposé à examiner les champs et les prés qui bordaient la route qu'à nouer un de ces entretiens, à la fois brillants et profonds, qui éclipsaient la causerie superficielle du jeune comte. Jamais, autant que dans cette fin de journée, les heures n'avaient paru si longues à Magali. Il lui fallut sourire, causer, s'asseoir au dîner à la place d'honneur, ayant à sa droite le duc de Saldif. Mais son rire frais ne résonnait plus, son sourire était un effort, ses grandes prunelles de velours étaient voilées, et c'était presque machinalement qu'elle répondait à Ferdinand de Wolberg, son voisin de gauche. Fort heureusement, elle n'avait guère à entretenir de conversation avec Lord Gérald. Celui-ci continuait, avec une parfaite correction, le rôle imposé par l'idée de Lady Ophelia, mais avec une nuance de froideur hautaine qui n'échappa pas à Magali et lui causa à la fois un soulagement et un pénible serrement de cœur. Il était presque silencieux, autant que le lui permettaient ses devoirs de maître de maison, et refusait à peu près tous les plats qui lui étaient présentés, d'un geste impatient, décelant quelques perturbations intérieures. Et la pauvre Magali songeait qu'il était probablement là de la prolongation de cette fête imaginée par sa cousine, que son orgueil jugeait enfin désagréable d'être constitué si longtemps le chevalier servant de cette petite plébéienne. « S'il savait comme je m'en irais volontiers, » pensait-elle. Mais non, il fallait demeurer là, répondre au jeune comte de Wolberg, très empressé, garder un air suffisamment gai sous tous les regards, sous celui surtout de Lady Ophelia, vêtue avec une extrême élégance, très brillante ce soir, sous l'éblouissante lumière qui mettait en valeur la blancheur de son teint et la nuance fauve de sa chevelure. Mizetti rivalisait avec elle d'éclat et d'entrain. Elles semblaient toutes les deux tentées de faire oublier celle que la majorité avait proclamée la plus belle, la ravissante reine de mai, qui sentait peser si lourdement sur son front sa fraîche couronne de bruyère. Et le dîner fini, il lui fallut chanter, causer encore. Le duc se tenait dans le salon voisin, il était en grande conversation avec les plus importants de ses hôtes et ne fit qu'une brève apparition dans le salon de musique. Enfin, la soirée prit fin, les hôtes d'Oker Park se levèrent pour gagner leurs appartements. Mais la reine de mai doit distribuer les fleurs de sa couronne à ses sujets et sujettes, n'est-ce pas, Milord ? S'écria galamment Lady Isabelle. Mais naturellement, Milady, vous nous les devez, Miss Dolté. D'un geste là, Magali enleva sa guirlande, elle ôta une à une les fleurs qui se penchaient languissantes, elle détruisit avec une âpre jouissance le diadème charmant dont l'avait ce matin couronné Lord Gérald. Au hasard, elle distribua les bruyères, les fleurettes champêtres de fin d'été. « Mais vous oubliez votre premier ministre, Miss Olté !» s'écria Lord Orwilly. « Gérald, mon cher, à quoi pensez-vous de ne pas venir réclamer votre part dans la distribution ?» Le duc, debout à quelque distance, causait avec le marquis de Selberg, père de Lord Rupert, et ne parut pas entendre l'interpellation de son ami. Mais Lord Rupert, un peu surpris, la répéta. Le duc se détourna, il se dirigea vers le groupe au milieu duquel se trouvait Magali. Il ne restait plus entre les doigts de la jeune fille qu'un brin de bruyère rosée. Sans regarder Lord Gérald, elle le lui tendit, il s'inclina, le prit et le glissa, comme tous les autres, à sa boutonnière, en disant avec une courtoisie nuancée de froideur « Je vous remercie, Miss Magali, mais vous n'avez rien réservé pour vous comme souvenir de cette journée ?» « Oh, c'est inutile, je m'en souviendrai !» Un peu d'amertume passait, malgré elle, dans l'accent paisible de sa voix. Lord Gérald eut un imperceptible tressaillement, son regard exprimant une inquiétude voilée, effleura la physionomie de Magali. Mais celle-ci était froide, très calme. La jeune fille se détourna pour prendre congé des hôtes d'Oker Park, et le duc, un léger pli au front, s'éloigna vers le salon voisin où l'appelait sa mère. Enfin, le rôle printanier de Magali était terminé. Hâtivement, elle quitta les salons et se dirigea vers l'appartement de Mademoiselle Noué. Elle allait pouvoir être seule, calmer cette souffrance secrète, amenée par l'attaque inattendue de Lady Ophelia. Au croisement d'un corridor, elle se heurta presque à William Roswell, dont l'appartement se trouvait de ce côté. Il s'inclina profondément et, comme Magali allait passer outre après un bref salut, il dit d'un ton respectueux « Permettez-moi de féliciter de son succès la reine de mai, si justement élue. J'ai eu occasion de vous apercevoir à la cascade des fées, Miss Oatley, de loin, car je n'avais pas l'heureux privilège des nobles lords qui formaient votre cour. Le duc de Saldive devait être fier de son rôle de premier ministre. « Oh, j'en doute !» interrompit Magali d'un ton sec. Elle fit un mouvement pour s'éloigner. Mais Roswell reprit d'un ton tranchant « Je ne sais pourquoi votre nom me rappelle quelque chose. Il me semble que j'ai dû connaître un Dolté autrefois. » Un intérêt soudain s'exprima dans les yeux de Magali. « Vraiment ? Et où donc ? Je ne saurais le dire. Ce souvenir est très vague. J'ai tellement voyagé. Aux Indes aussi ? Oui, beaucoup. Connaissez-vous Bombay ? C'est là que nous avons habité. » « Je connais très bien cette ville, mais je ne saurais me rappeler d'une manière précise. Si vous pouviez réunir vos souvenirs, nous faire connaître quelque chose de nos parents, » dit Magali, oubliant dans un espoir soudain l'antipathie que lui inspirait le secrétaire. « Je l'essaierai du moins de tout mon pouvoir, soyez-en assurée, Miss Oatley. » Quelque chose dans son accent déplut à Magali. Elle eut une brève inclination de tête et s'éloigna, tandis que Roswell reprenait le chemin de son appartement en se frottant les mains et en murmurant « J'ai eu une bonne idée de lui parler de cela. Autrement, la petite mijaurée avait l'air de me traiter du haut de sa grandeur. Elle se figure sans doute qu'elle va réussir à faire quelque aristocratique mariage. Cela me paraît possible d'ailleurs. Et lui, ce beau duc, l'orgueil de caste y résistera-t-il ? Qu'il ne s'avise pas de se mettre en travers de mes projets, par exemple. » Dans le parloir de Mademoiselle Amélie, le père Noué et sa sœur causaient à voix basse, et tous deux avaient sur leur physionomie la même expression soucieuse. « Tu as été imprudente, Amélie, en la laissant se mêler à ce monde brillant, au milieu duquel elle n'est pas destinée à vivre, » disait le religieux. La pauvre petite, malgré son sérieux, sa piété et son absence absolue de coquetterie, devait, bien innocemment mais presque inévitablement, se laisser un peu griser par l'admiration et les hommages que ne pouvaient manquer de lui attirer ses dons brillants. Et surtout, il fallait penser que ce cœur, si délicat et si ardent à la fois, pouvait se laisser aller inconsciemment à quelque rêve impossible. C'est vrai, Jacques, j'ai été faible, j'ai cédé trop facilement au désir de Lady Isabelle, et aussi, je dois l'avouer, au plaisir de voir ma Magali si jolie dans ses simples toilettes claires. Ce sera ma faute si elle souffre, dit-elle d'un ton désolé. Mais peut-être t'es-tu trompé, Jacques ? Il secoua la tête. J'en doute, je les connais tous deux, je sais quelle délicatesse de sentiment et quel désir d'idéal se cachent sous les dehors sceptiques et froids de Lord Gérald. Eh bien, en constatant de mon observatoire le respect profond dont témoignaient son attitude et son regard, en les apercevant tous deux au-dessus de la cascade, si bien faits l'un pour l'autre et formant un tableau à ravir un peintre, j'ai compris, au seul rayonnement de leur visage, sans qu'ils eussent prononcé une parole, que les pauvres enfants marchaient, sans s'en douter, en plein rêve, rêve irréalisable. « Oui, pauvres enfants, » murmura-t-il avec compassion. Je n'aurais jamais pensé que lui, si orgueilleux, oublie à même une seconde ce qui le sépare de Magali. Et elle, ma raisonnable Magali, comme elle souffrira, ma pauvre petite chérie, si tu as deviné vrai, dit Mademoiselle Amélie avec consternation. Il y a si peu de temps, cependant, qu'ils n'éprouvaient l'un pour l'autre que de l'antipathie. Tu as été aveugle, ma chère sœur, en ne voyant pas que ces deux belles natures, également fières, nobles et ardentes, devaient se comprendre et s'aimer. Si Lord Gérald a été frappé par la beauté de Magali, je crois pouvoir affirmer que le charme moral de ta pupille a eu une part plus large encore dans sa respectueuse admiration. Et si elle, Magali, a senti l'attrait des dons physiques et intellectuels du duc, je suis certain qu'elle voit surtout en lui le cœur généreux, délicat, chevaleresque, que dérobe trop souvent une orgueilleuse réserve. Il s'interrompit, Magali entrait dans le parloir. « Eh bien, vous voici enfin, petite reine de mai !» dit Mademoiselle Amélie avec une gaieté que l'on devinait forcée. « Oui, me voilà !» dit Magali d'une voix lasse. « C'est fini, enfin !» Elle s'avança vers Mademoiselle Amélie et, tout à coup, elle se laissa glisser à genoux, sa tête s'appuya contre la poitrine de la vieille demoiselle, elle éclata en sanglots. Le père Noué regarda sa sœur et ce regard exprimait clairement « Tu vois ce que je te disais ?»« Magali, ma petite chérie, qu'avez-vous ? » dit anxieusement Mademoiselle Amélie. « Quelqu'un vous a-t-il contristé, blessé ? Qu'est-il arrivé, ma petite fille ?» Magali, d'une voix entrecoupée, leur fit part des paroles adressées par Lady Ophélia. Quand elle eut terminé, Mademoiselle Amélie lui prit les mains et l'enveloppa d'un regard affectueux. « Il n'y a pas là de quoi vous désoler ainsi, mon enfant !» C'est une des mille petites blessures que le monde distribue aux âmes droites et bonnes. Tout cela sera vite effacé, surtout si ma sérieuse Magali reprend sa vie paisible d'auparavant. « Oh oui, mademoiselle !» murmura la voix tremblante de Magali. « Comme le monde est mauvais ! Comment a-t-on pu penser que moi, la pauvre créature élevée par charité, j'oserais avoir cette idée folle ? Et tout cela parce qu'il s'est montré simple et bon envers moi pour réparer sa violence d'autrefois, certainement. Oui, cela est bien certain, dit le père Noué en posant son grave regard sur la physionomie altérée de la jeune fille. Le monde, sous ses fleurs apparentes, ne recèle que des poisons, voyez-vous, ma pauvre petite enfant. Venez me trouver demain à la chapelle, nous causerons de cela, nous prierons ensemble, n'est-ce pas, Magali ? Les yeux de Magali, assombris par une sorte d'angoisse, se levèrent sur lui. Dans le regard du religieux, elle lut l'infinie compassion du pasteur. Elle lut l'infinie compassion du pasteur pour sa pauvre petite brebis blessée aux épines de la route. Et, joignant inconsciemment les mains, elle s'écria « Oh oui, nous prierons. Vous m'aiderez, mon père, car je ne sais vraiment pas pourquoi je souffre tant » acheva-t-elle dans un léger sanglot. Le père Noué posa doucement la main sur son épaule. « Allez vous reposer, ma pauvre petite fille, car les couronnes de la terre sont lourdes, même parfois celles d'une reine de mai, n'est-ce pas ?»« Oh oui » murmura-t-elle avec un frémissement, en appuyant son front brûlant sur les mains de Mademoiselle Amélie. Le duc de Saldiv, ce soir-là, ne s'attarda pas à causer avec Freddy et à fumer sur la terrasse avec ses amis. Il regagna promptement son appartement, congédia son valet de chambre et, ouvrant une porte-fenêtre, alla s'accouder au balcon. Le ciel était criblé d'étoiles, le pénétrant parfum des roses d'arrière-saison montait des jardins, éclairé par la clarté pâle de la lune à son premier quartier. Là-bas, le lac étendait sa nappe argentée, les cerfs dressaient leurs dômes superbes. Cette soirée était délicieuse, de fraîcheur et d'imposant silence. Le jeune homme leva les yeux, il contempla un instant les astres qui tremblaient là-haut. Pensivement, il murmura les vers du chantre de Mireille, et son regard était une rosée qui dissipait toute douleur. Des étoiles, moins doux et le rayon est moins pur. Si Mistral l'avait vu, il n'aurait pu parler autrement. Les bras croisés sur sa poitrine, il s'absorba dans une songerie mélancolique. Sa mémoire lui retraçait nettement la surprise admirative produite par la vue de Magali et par sa voix magnifique, la première fois qu'il l'avait revue, surprise vite changée en froideur lorsqu'il avait compris qu'il se trouvait en présence de l'enfant recueilli par Mademoiselle Noué, de celle qu'il avait jadis cinglée d'un mot que sa fierté masculine n'avait pu oublier. Il revoyait encore la jeune Amazone traitée par lui avec tant de hauteur, puis la demoiselle de compagnie patiemment soumise aux caprices d'Ophélia. Et aussi cette partie de tennis où, avec la rapidité de l'éclair, il avait compris que le charme simple et radieux de Magali était en voie de chasser la rancune gardée à l'enfant d'autrefois. Et de plus en plus, sans en avoir une exacte conscience, il avait subi l'influence de cette bonté, de cette charité qui rayonnait en Magali, de cette grâce candide unie à une intelligence rare, très cultivée. « Elle possède tout ce que je pouvais rêver », murmura-t-il en crispant un peu ses mains sur la balustrade de pierre. « Mais c'est impossible. Moi, épouser une jeune fille de race plébéienne, et donc surtout, je ne connais pas même l'origine maternelle. » Il passa lentement la main sur son front brûlant. Cependant, ce serait le bonheur. Beaucoup, à ma place, n'hésiteraient pas. Aujourd'hui, les mésalliances passent si facilement. L'image de Magali, vêtue de rose, couronnée de bruyères, se présentait obstinément à lui. Combien elle était gaie cet après-midi! Mais le soir, un voile semblait tomber sur sa physionomie. Pourvu qu'elle aussi, sans y prendre garde, ne se soit pas imaginé quelque chose d'impossible. Mais non, elle est si sérieuse, et jamais rien, de ma part, n'a pu lui révéler ce que j'ignorais presque moi-même. C'est sans doute un petit froissement, dû peut-être à Ophélia ou à quelqu'une de ces jeunes ladies jalouses d'elle. À moins qu'elle n'ait été blessée de mon changement d'attitude pendant cette soirée. Mais il le faut, je le dois, malgré tout ce que je souffre. Oui, le duc de Saldif, au milieu des défaillances de l'aristocratie actuelle, doit tenir ferme la bannière des traditions de sa race. Sa tête se redressa d'un mouvement altier, sa main gauche se leva, et, à la lueur que projetaient les lampes électriques de la chambre, l'émeraude étincela. Il s'agit d'avoir le cœur aussi dur que cette pierre. Ce sera long, mais j'y parviendrai. Son regard, en s'abaissant, rencontra tout à coup le brin de bruyère attaché à sa boutonnière. Il le prit, le regarda longuement et tendit la main au-dessus de la balustrade. Ses traits se crispèrent, une hésitation poignante passa dans son regard. Ses doigts s'écartèrent brusquement et laissèrent tomber dans le vide les petites fleurs roses. « Ma pauvre petite reine de mai !» murmura-t-il sourdement. Et cet homme si fier, si maître de lui-même, sentit une larme glisser sous sa paupière.